بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد okay. Donc on va continuer où on était rendu la dernière fois, la semaine passée. On avait parlé des catégories de différentes de, ou les différentes formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait mentionné toutes les différentes formes, ou bien pas toutes, mais on avait mentionné les plus importantes formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis on a expliqué que de donner à autre que Allah une forme quelconque de ces adorations-là, c'était une forme, c'est quelque chose qui rentre dans le shirk. Et là, on a expliqué que, on a parlé de l'exemple de qu'est-ce que les musulmans font autour des tombeaux, etc. Hier, on a donné des exemples de ça et on en a parlé en détail. On a montré les interdictions que le prophète a donné à ce sujet-là. Ceux qui n'étaient pas là, c'est la grâce, on l'a enregistré. Vous pourrez l'écouter, Inch'Allah, je vais faire des copies. Et puis donc, aujourd'hui, on va continuer là où on était arrivé. Le frère Abdullah, il a acheté le livre à la race, donc il faut suivre aussi. Et s'il y en a d'autres qui voudraient suivre aussi avec le livre, si vous êtes capable, eh bien, le livre est en bas. Donc, si vous voulez vous en procurer une copie, ben, le frère Amin, il peut vous en trouver une copie, Inch'Allah. Donc, on va commencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le chef, il dit, « وَمَعْ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ فَقَدْ اتُّخِذَتِ الْقُبُورُ الْيَوْمِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ أَوْ ثَانِهِ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِمَّنْ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامِ وقد يدعو أحدهم غير الله في أي مكان ولو لم يكن عند قبر كما يقول يا رسول الله عند قيامه أو مفاجأته بشيء غريب أو يقول المدد يا رسول الله أو يا فلان وإذا نهوا عن ذلك قالوا نحن نعلم أن هؤلاء ليس لهم من الأمر شيء ولكن هؤلاء أناس صالحون ولهم جاه عند الله ونحن نطلب بجاههم وشفاعتهم ونسي هؤلاء أو تناسوا وهم يقرؤون القرآن أن هذا بعينه قوم المشركين كما ذكره الله في القرآن في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فسماهم كفارا وكذبا كفار كذبا وهم يعتقدون أن هؤلاء الأولياء مجرد وسطاء بينهم وبين الله في قضاء حوائجهم وهذا ما يقوله عباد القبور اليوم تشابهت قلوبهم. Donc, qu'est-ce que le chef a dit ici? Il a expliqué. Il a dit, très dommage que les tombeaux aujourd'hui sont pris dans certains pays comme des idoles qu'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala de la part de ceux qui prétendent appartenir à l'islam. Peut-être qu'un d'entre eux adore ou appelle autre que Allah n'importe où, pas seulement là où il y a un tombeau, mais à n'importe quel endroit. Par exemple, quand quelqu'un s'assoit, il dit « Ya Rasulallah » ou bien, par exemple, il dit « Al-Madad Ya Rasulallah » ça veut dire qu'il demande l'aide, le secours, la subsistance de quelqu'un du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de n'importe quel autre saint ou personnage qui est pieux. Et lorsqu'on dit à ces gens-là que qu'est-ce qu'ils font, c'est haram, ils disent, nous, on sait que ces gens-là n'ont aucun pouvoir. On sait seulement que ce sont des gens pieux, et donc on leur demande à cause de leur statut d'importance qu'ils ont devant, avec Allah. Ces gens-là, ils ont comme une sorte de statut, ils ont un niveau auprès d'Allah, et étant donné qu'ils ont un niveau qui est si élevé, alors on leur demande à eux, et eux sont capables après d'obtenir des faveurs pour nous auprès d'Allah. Donc, on demande par leur statut, leur niveau, et on demande par leur intercession. Mais le chef il dit, mais ces gens-là ont oublié, ou bien ils ont fait exprès d'oublier, alors qu'ils lisent le Coran, que ça c'est exactement ce que les idolâtres disaient aux prophètes, lorsque Allah leur interdisait, leur disait qu'ils n'avaient pas le droit d'adorer autre que Allah. Alors, Allah SWT, il mentionne dans le Coran, il dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne fait ni les nuire, ni leur profiter en quoi que ce soit. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dit, c'est-à-dire Allah SWT, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux mushrikin, dit, allez-vous informer Allah de ce qu'il n'a aucun savoir, ni dans les cieux, ni sur la terre? Gloire à lui, il est au-dessus de ce que les idolâtres lui associent. Ça c'est dans Sourate Yunus, le verset 18. C'est un verset qui est très fort et très clair pour expliquer que ces mushrikines là, au sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le verset Yunus, le Sourate Yunus, le verset 18. Donc, les mushrikines, ils disaient au prophète, ces idoles qu'on adore, Allah, Al-Uzza, Al-Hudal, et toutes les autres statues qu'ils adoraient, qui étaient dans le passé, qui avaient été des hommes pieux, que les gens voulaient mémoriser, et qui après sont devenus des objets d'adoration en tant qu'Allah, et bien ils disent, ces gens-là, on les prend seulement comme des intercesseurs pour aller à Allah. On ne croit pas qu'elles ont un pouvoir réel sur les choses. Sauf que, à cause de leur niveau, de leur degré, de leur statut élevé auprès d'Allah, ils peuvent nous aider indirectement. Et donc, Allah, à cause de ça, les a appelés les idolâtres, les mushrikines, à cause de ce qu'ils ont dit. Quand il a dit Subhanahu wa ta'ala, amma yushrikun. Gloire à lui, il est qu'il soit purifié de ce qu'il. De ce que ces idolâtres lui associent. Et il a appelé ce qu'ils font le shirk, yushrikun, qui vient du mot shirk, ashraka yushrikun. Et dans l'autre verset que le shirk a mentionné, le verset, la traduction, c'est un peu le sens de ce qui suit. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure? Et après, il dit, et ceux qui ont pris en dehors d'Allah des associés ou des alliés ou des protecteurs, ils disent, on les adore seulement pour qu'ils nous rapprochent encore plus d'Allah. C'est-à-dire, c'est ça que ces idoles ou ces statues ou quoi que ce soit n'ont aucun pouvoir par eux-mêmes. Sauf que, on les attend seulement pour qu'ils intercèdent en notre faveur auprès d'Allah. Et pour qu'il nous aide à nous rapprocher encore plus d'Allah. Et après, Allah il nous a appelés à la fin du verset des menteurs et des mécréants. Donc, c'est exactement, le chef dit, c'est exactement ce que les adorateurs des tombeaux font aujourd'hui. Les gens qui crient les morts et qui invoquent les morts, c'est exactement ce qu'ils font. Et c'est exactement le même argument que ces idolâtres au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquaient. Et donc il a maintenu un autre verset dans lequel Allah dit « Tashadahat qulubuhum » c'est-à-dire « leur cœur se ressemble ». Le cœur de tous les mushrikines, de tous les kuffars, à toutes les époques, est pareil. Ils amènent toujours les mêmes arguments, les mêmes questions comme s'ils avaient tous été assis autour d'une table pour se mettre d'accord sur leurs arguments, alors qu'ils sont tous séparés, que ne se sont jamais connus ni rencontrés. Dans un autre ayah, Allah dit « Atawa Tawbi » parce qu'ils se sont tous consultés là-dessus pour se mettre d'accord, comme si, malgré qu'ils étaient tous de peuples différents, à des époques différentes, à des endroits différents, malgré tout ça, ils sont tous d'accord. C'est comme s'ils se sont rassemblés pour se dire « On va faire une sorte de consensus sur ce sujet-là. » Donc, c'est-à-dire que leur cœur, en fait, ils sont tous atteints par le même la même maladie, ce qui est « Ashut Billah ». Et le deuxième verset que j'avais dit, celui qui dit qu'ils disent qu'ils adorent seulement les idoles pour se rapprocher d'Allah, c'est dans Surah Al-Zumar, le verset 3. C'est un verset aussi très important. Donc le cheikh après il dit « فالواجب على علماء الإسلام أن ينكروا هذا الشرك الشنيع ويبينوه للناس والواجب على حكام المسلمين هدم هذه الأوثان وتطهير المساجد منها وقد أنكر كثير من الأئمة المصلحين هذا الشرك ونهوا عنه وحذروه وأنذروا ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن إسماعيل الطنعاني والشيخ محمد بن علي الشوكاني وكثير من الأئمة قديما وحديثا وهذه مؤلفاتهم بين أيدينا. Donc le chef dit, l'obligation des savants de l'islam, c'est de rejeter et de dénoncer cette forme de shirk et de l'expliquer aux gens. Et il dit, l'obligation des dirigeants des musulmans, c'est de détruire ces idoles et de purifier les mosquées de ces idoles. Et après il dit, et beaucoup des imams de l'islam, qui ont été des réformateurs, ont interdit et ont dénoncé cette forme de shirk, et ont interdit, ils ont prévenu les gens contre ça, et parmi eux, Ibn Taymiyyah, et son élève Ibn Al-Qayyim, et le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, et le Cheikh Mohammed Ibn Ismail Al-Tan'ani, et le Cheikh Mohammed Ali Al-Shawkani, et il dit, et beaucoup d'autres parmi les imams, dans le passé et dans l'époque actuelle. Et leurs livres sont là présents entre nos mains. Faites un peu de place comme ça, le tapis, parfois, Inch'Allah. Non. Après, le chef il dit, وفي ذلك يقول الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وكم ترى من تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام ومنها اعتقاد جهلة كاعتقاد الكفار للأصنام وأعظم من ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر وجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم أو ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإما لله وإما إليه راجعون. Donc il cite les paroles du Cheikh l'imam al-Shawkani rahimahullah dans son livre Nail al-Awtar, qui est un grand livre de hadith sur les règles du fiqh dans l'islam. C'est des hadiths qui parlent du fiqh dans l'islam et qui a été rassemblé par le grand-père de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qu'on appelle Al-Majd. Et puis, il a rassemblé tous les hadiths qui parlent du fiqh selon leur chapitre. Et qu'est-ce que Shawkani a fait? C'est qu'il les a expliqués un par un avec beaucoup de détails et d'explications. Et donc, dans ce livre-là, il a mentionné quelque chose au sujet des gens, qu'est-ce que les gens font autour des tombeaux. Et il a dit, il y a beaucoup de, comment on voit beaucoup de constructions sur les tombeaux, et des gens qui, par exemple, embellissent les décorations et l'architecture des tombes, hein. C'est quelque chose qui peut faire pleurer les gens de l'islam. Parce que c'est triste de voir ces choses-là. Et ici, la croyance de certains ignorants est pareille ou comparable à la croyance des mécréants qui adorent leurs idoles. Et même parfois plus grave encore. Il dit par exemple, ils ont cru que ces tombes sont, ou les gens qui sont enterrés dans ces tombeaux ont le pouvoir de rapporter, de proxer les gens, ou d'éloigner un mal d'eux. Et ils ont fait d'eux une sorte de but ils ont fait de ces personnages quelque chose pour acquérir, comme pour aller, ou une chose pour laquelle on, quelqu'un à qui on va pour demander quand on a besoin de quelque chose, et pour remplir un besoin pour nous. Et même, il y a parmi les musulmans qui croient que si tu vas demander à un wali ou un saint d'exaucer quelque chose pour toi, il croit que ce qu'on sort de sa tombe va remplir la chose que tu lui as demandé et revient dans sa tombe ensuite. Et il y a des chiens qui croient réellement à ça, des choses comme ça. Par exemple, il y en a des gens qui sont allés à un tombeau et ont vu une apparition d'un chef, et le chef leur apparaît et leur parle. Je suis tel chef. Mais en réalité, peut-être que c'est un djinn en fait qui prend la forme de ce chef et qui lui fait croire que c'est le chef en personne. Et donc, il vient pour le tromper et pour l'aider à s'égarer encore plus, pour lui faire croire que ce qu'il fait est vrai. Par exemple, ça arrive beaucoup même chez les chrétiens. Par exemple, beaucoup de chrétiens sont allés dans les églises, ils ont prié à une statue de Marie ou à une statue de notre saint, et puis la statue a commencé à pleurer, ou même des fois ils ont vu des images, ils ont vu des statues de Marie qui pleurent du sang, ou bien des gravures qui pleurent du sang, ou bien ils ont vu aussi des apparitions de la Vierge, ou des choses comme ça. Et donc, ils se sont dit, bon, ça c'est une preuve que qu'est-ce qu'on adore, c'est la réalité. Et puis, dans beaucoup de cas, par exemple, dans une histoire, dans une église, il y avait une statue de Marie qui pleurait. Plus tard, on a découvert que c'était un tuyau qui était troué et qui faisait couler de l'eau du plafond et ça tombait sur la statue. Et donc, ça donnait l'impression que la statue pleurait. En ce qui concerne les cadres qui pleuraient du sang, eh bien, ils ont découvert que c'était de la cire qui fondait, et puis quand elle fondait, ça faisait des lignes rouges, et ça donnait l'impression que c'était du sang qui coulait. Et ici au Québec, c'était ici, je me souviens, c'était ici, puis des gens allaient là-bas pour visiter, et puis pour aller voir ces choses-là avec leurs yeux, et tout le monde croyait que c'était un miracle. Et puis, bien entendu, ils récoltaient beaucoup d'argent parce que les gens allaient visiter et en même temps ils donnaient des dons. Hein. Et puis après, ça a été découvert que c'était une supercherie. Donc, beaucoup de choses comme ça arrivent. Parfois, c'est des supercheries, mais parfois, c'est juste le shaitan qui vient pour truquer, pour faire des trucages, ou bien pour tromper les gens, leur faire croire que tout ce qu'ils font est vrai. Peut-être même des fois, ils ont entendu une voix dans la tombe et on se sont dit, ah. C'est le chef qui parle, des choses comme ça. Donc, toutes sortes de choses comme ça pour tromper les gens. Et donc, le chef, il mentionnait des exemples comme ça. Et puis, les gens vont pour demander à ces gens-là de leur régler leurs problèmes. Et puis, il leur demande à ses idoles ou à ses personnages ou à ses saints qui sont morts, il demande des choses comme les croyants demandent à Allah. Hein? Comme nous les croyants, les musulmans, quand on prie et on demande quelque chose à Allah de nous donner quelque chose, hein? Ben, eux c'est la même chose qu'ils font, ils demandent les mêmes, exactement les mêmes choses, sauf qu'au lieu de le demander à Allah, ils le demandent à des êtres humains qui sont morts, qui sont enterrés. Ils n'ont aucun pouvoir, ni de leur mère, ni de leur propriété. Et donc, ils vont à ces tombes, ils font des grands, des fois des longs voyages pour arriver à cet endroit-là où ce saint est enterré. Et puis, ils arrivent et ils caressent son tombeau. Et puis, ils demandent le secours de ce saint, etc. Il dit, il n'y a rien que les adorateurs d'idoles faisaient avec leurs idoles, excepté que ces gens-là aussi ont fait la même chose. C'est-à-dire, tout ce que les adorateurs d'idoles ont fait avec leurs idoles, eux ils ont fait avec leurs saints. Alors, il dit, le retour est à Allah. Nous appartenons à Allah et c'est à lui qu'on retourne. Et après, il dit, وَمَعْ هَذَا الْمُنْكَرَ الشَّنِيرِ وَالْكُفْرِ الْفَضِيرِ لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا ولقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا وإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكه وأبى واعترف بالحق وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركه قد بلغ فوق الشرك من قال انه تعالى ثاني اثنين او ثالث ثلاثه. الشيخ يزي on nous a même informé que parmi ces gens-là, parmi ces gens qui adorent les temples, si par exemple quelqu'un, ils ont une dispute avec quelqu'un, des accords, ils vont demander à la personne, jure par Allah. Et la personne, elle va mentir. Mais si tu lui dis, jure par ton chef, ou la telle chef auquel tu crois, eh bien là, il va admettre la vérité de qu'est-ce qu'il a fait. Donc, c'est juste pour dire que c'est pour montrer le chef, il dit. Donc, on voit que leur chef, et encore plus grave que même ceux qui disent que Dieu est une trinité ou des choses comme ça. Faya ulama al-din, ya muluk al-muslimin, ayu zir'un lil-islam ashaddu min al-kufri, wa ayu bala'in li hadha al-din adarru alayhi min ibadati ghayrillah, wa ayu musibatin yusabu biha al-muslimuna ta'dilu hadhihi al-musiba, wa ayu munkarin yajibu inkaruhu in lam yakun inkaru hadha al-shirk البين واجبا ولقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله وقد زاد البلاء بعده وصار أشد مما وصف ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc, j'ai oublié de mentionner ce que le chef avait dit avant, c'est qu'il dit, il a dit, et qui est-ce qui se fâche, et qui est-ce qui se choque pour Allah, et qui est-ce qui se sent déshonoré, qui se sent fâché pour cette religion, lorsqu'il voit ces gens-là, ce qu'ils font, il dit, on voit aucun savant, aucun personne éduquée, aucun dirigeant, aucun roi, agir, faire quelque chose pour arrêter cette chose-là. Alors il appelle les savants de l'islam, il appelle les dirigeants des musulmans de faire quelque chose pour arrêter ce désastre, ce malheur qui atteint les musulmans et la Ummah. Parce qu'il n'y a aucun malheur, aucun désastre plus grave que ce que ces gens-là ont fait dans l'islam. Parce que si on regarde que le plus grand péché dans l'islam, c'est le shirk, et que tous nos problèmes, tout ce qui peut se produire dans le pays comme désordre, comme malheur, comme tourment, qu'est-ce qui se produit actuellement dans la Ummah? On pense aux problèmes économiques, on pense aux problèmes politiques, on pense aux problèmes, à tous les autres niveaux de problèmes. Et on oublie qu'à la base de tout ça, il y a le fait que nous, qui sommes musulmans, notre shahada nous demande d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, et de rejeter toute forme de shirk. Mais si dans nos pays, on accepte et on laisse le shirk être pratiqué et être propagé de cette façon, alors c'est tout à fait normal qu'on vive dans les troubles qu'on vit actuellement. Parce qu'on n'a même pas appliqué le fondement même de notre religion. Et ça, c'est la première clause, si on veut, du contrat qu'on a signé avec Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah » Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Il y a des frères que je connais qui m'ont dit quand ils sont allés en Égypte qu'il y a un endroit où il y a des cimetières avec des dômes construits sur les tombes, seulement à un tel point que c'est comme une vraie ville. Et même qu'il y a des endroits où les pauvres ont fait même installer l'électricité dans, ils ont même fait brancher l'électricité dans certains endroits. Et ils habitent dans ces endroits-là. Donc on voit à quel point les gens, je ne sais pas, pour moi, il a été en Égypte. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller voir ça. Moi, j'ai été. Tu as vu des films, c'est ça? Ah ouais. J'étais en Jordanie, puis j'étais à l'aéroport. Et je voyais beaucoup de gens qui étaient habillés comme. Parce qu'il y a dans certains pays des gens, quand ils vont faire le Hajj, ils portent un vêtement spécifique. Ils portent tous le même costume pour aller faire le Hajj. Alors, quand j'étais à l'aéroport de Jordanie, j'ai vu des gens qui ressemblaient à des Indiens de l'Inde, et ils étaient des musulmans, et ils étaient tous habillés pareil. Et les hommes et les femmes avec des vêtements de la même couleur. Donc, je me suis dit, ces gens-là, sûrement, on dirait qu'ils sont habillés comme des Hujjaj qui sont là pour faire le Hajj. Sauf que ce n'était pas la période du Hajj. Mais j'ai dit, peut-être qu'ils vont faire l'Umrah ou quelque chose comme ça. Ils vont aller à Mecca pour faire l'Umrah. Mais je voulais quand même me satisfaire ma curiosité. Alors, je suis allé pour leur demander où est-ce qu'ils allaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et puis là, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, on va en Égypte faire un pèlerinage parce que la tête de l'imam Hussein est enterrée en Égypte, donc on s'en va faire un pèlerinage à la tombe où sa tête est enterrée. Et puis, même que historiquement les savants ils ont démontré que c'est faux, la tête de Hussein n'est pas enterrée là-bas. Mais, de toute façon, qu'elle soit là-bas ou non, qu'est-ce qu'ils font pour s'interdire? Et puis, il y a la tombe d'une femme ici qui s'appelle Zainab, ils vont aussi faire des pèlerinages là-bas. Et il y a aussi Al-Badawi, un autre saint qu'ils vont visiter. Et donc, j'étais étonné de voir que les musulmans allaient faire des pèlerinages comme ça dans différents pays, allaient faire des tawafs, je ne sais pas quoi, dans différents tombes. Alors, j'ai dit au gars, qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas que c'est interdit dans l'islam? Et là, il m'a dit, mais non, c'est pas vrai que c'est interdit. Il y a des hadiths même qui prouvent ça. Alors, je lui ai dit, ah oui, mentionne-moi un hadith pour voir si ce que tu dis est vrai. Et là, il m'a mentionné un hadith qui dit, Man zara qabri, wajadat lahu shafa'ati. ou quelque chose comme ça. Hadith qui dit, celui qui visite ma tombe, je lui garantis mon intercession ou quelque chose comme ça. Bien entendu, je n'aurai pas beaucoup de temps pour discuter avec lui, mais étant donné que ce hadith était même pas authentique, mais de là pour entrer avec lui dans les discussions, c'est un peu compliqué, donc j'ai laissé tomber, mais quand même, je me souviendrai toujours de cette expérience là que j'ai vue. Même si, par exemple, on pouvait dire que, bon, ok, si c'est un hadith qui se limite à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait dire, oui, c'est vrai, c'est une preuve pour visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non celle de quelqu'un d'autre. Mais, même pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il est même pas authentique. Hein? Il n'y a aucun hadith qui incite aux gens de visiter la tombe, même la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'intention de la personne qui va à Al-Madina al-Munawwara, c'est pas le but de cette visite à Al-Madina. C'est non pas de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est de visiter la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la récompense de la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de 5000 prières pour chaque prière qu'on fait dans la mosquée du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pas dit, quand je vais mourir, venez visiter ma tombe. Il a dit, venez visiter ma mosquée, vous priez dans ma mosquée. La même chose pour la mosquée à Mecca, la même chose pour la mosquée à Al-Aqsa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tachouf de l'Ihab, ila, cela, c'est le message. Ne faites pas de longues journées et de voyages, sauf pour visiter trois mosquées. Masjid al-Hada, Masjid al-Haram, Al-Aqsa. Les trois mosquées. Ne faites pas de long voyage sauf pour visiter ma mosquée, la mosquée Al-Haram, qui est à la Mecque, et Al-Aqsa. Ça, c'est les trois mosquées qu'on peut visiter. Mais en ce qui concerne visiter un tombeau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a mentionné aucun hadith qui parle de visiter une tombe. Et ça, on va en parler plus en détail la semaine prochaine, Inch'Allah, peut-être samedi prochain. Et puis, parce que on va faire le samedi, on fait le samedi et le dimanche. Donc le samedi, je vais parler de ce sujet-là, avec les arguments de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent et les réponses. Et le dimanche, on va continuer le livre, comme on fait chaque dimanche, Inch'Allah. Est-ce que le professeur a établi de connaître sur sa pointe de ce que vous avez dit? Oui, on a mentionné hier beaucoup de hadiths sur ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Il a demandé à Allah que sa tombe ne devienne pas une idole qu'on adore. Hein. Ça c'était un dua qu'il avait fait. Et aussi, j'ai expliqué aussi ce qui s'était passé avec après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas été enterré dans la mosquée. Il avait expliqué qu'il avait été enterré dans la maison d'Aïcha, hein, et que c'est bien longtemps après sa mort que la maison avait été incluse dans la mosquée, mais c'était pas dans la mosquée à l'origine. Et puis que c'était une erreur qu'ils avaient fait en faisant ça. Donc on en a parlé peut-être, même quand je vais faire la copie de la cassette, Inch'Allah, demain. La semaine prochaine, je vais vous la donner, vous allez pouvoir réviser. Mais aussi, samedi prochain, je vais mentionner ça encore, je vais expliquer ce qu'on dit par Inch'Allah. Le chef, il termine à ce point, puis là, il parle d'un autre sujet. Et le sujet dont il parle maintenant, c'est le lien qu'il y a entre le tawhid de l'adoration et le tawhid de la souveraineté d'Allah. Al-alaqa, et le tawhid de l'uluhiyya, والتوحيد الربوبية والعكس يعني لا relation qui existe entre l'adoration et la souveraineté d'Allah سبحانه وتعالى et vice versa. شيخ يزيد وعلاقة أحد النوعين بالآخر أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الألوهية والقيام بها. فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبره أو ومدبر أموره يجب عليه ويجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الألوهية. فمن عبد الله وحده لم يشرك به شيئا فلا بد أن يكون قد اعتقد أنه هو ربه وخالقه، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: أفرأيت من كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Donc le chef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a une relation entre les deux formes de tawhid. Une comme par l'autre. Le tawhid de Rubia, il implique le tawhid de l'adoration. Le tawhid de la souveraineté implique le tawhid de l'adoration. Et voici de quelle façon on peut l'expliquer. C'est que lorsqu'une personne a affirmé croire que Allah subhanahu wa ta'ala est son créateur, son maître, et que c'est lui qui dirige tout, alors c'est normal que ceux qui l'adorent, c'est normal qu'il va se limiter à adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, par exemple. C'est pas normal de voir qu'une personne, par exemple, dit « Oui, je crois que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'univers, qui a créé le monde, qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers, c'est lui qui contrôle chaque atome de la création, et que rien dans l'univers peut lui fonctionner, ou marcher, ou se mouvoir, ou fonctionner, sauf par sa permission, et qu'ensuite toi tu t'en vas et tu demandes à une autre que Allah subhanahu wa ta'ala. » Parce que si tu fais ça, tu es en contradiction avec ta croyance. Tu ne peux pas croire que Allah subhanahu wa ta'ala est le maître de tout et aller demander à celui qui est maître de rien. Hein? Donc c'est pour ça que le chef dit il y a un rapport et un lien entre les deux, entre Al-Rububiyya ou Al-Uluhiyya. Il y a un lien très direct. Et la plupart des prophètes, lorsqu'ils ont fait leur discussion et leur débat avec leur peuple, ils ont toujours utilisé l'unicité d'Allah dans son domaine ou dans sa souveraineté de l'univers comme une preuve pour le tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire pour que Allah seul soit adoré. C'est-à-dire, vous prétendez, vous dites que vous croyez que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur de toutes choses et que c'est lui qui contrôle tout. Alors, pourquoi vous ne l'adorez pas lui seul? Et pourquoi vous ne laissez pas tomber les idoles que vous adorez? C'est-à-dire que ces idoles n'ont aucun pouvoir et ne peuvent rien contrôler en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, laissez tomber vos idoles et vos croyances et adorez Allah seul. Et c'était un de leurs arguments les plus puissants. Et il a cité l'exemple d'Ibrahim lorsqu'il parlait à sa peur. Il a dit, avez-vous vu ce que vous adorez, vous et vos ancêtres? Alors, tout ce que vous adorez en dehors d'Allah sont mes ennemis. Excepté Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, celui qui m'a créé et qui me guide, celui qui me guide, et celui qui me nourrit et qui me, qui me donne à boire, et celui que lorsque je suis malade, il me guérit, et celui qui me fait mourir et celui qui me fait vivre. Et c'est en lui seul que j'espère avoir un pardon. Lorsque j'ai fait un péché au jour du jugement dernier. Donc, c'est comme pour expliquer que, étant donné que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a tout créé et qui peut le faire qui me nourrit, et c'est lui qui me guérit quand je suis malade, et c'est lui qui me donne la vie, et c'est lui qui me donne la mort, alors c'est tout à fait normal que c'est en lui que je mets ma confiance, c'est lui que j'adore, c'est lui que j'espère qu'il me pardonne mes péchés au jugement dernier, et personne d'autre. Donc le chef dit, فالربوبية والألوهية تارة يستعان معا فيفترقان في المعنى ويكون أحدهما كفيلا للآخر كما قال في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فيكون معنى الرب هو المالك المتصرف في الخلق ويكون معنى الإله أنه المعبود بحق المستحق للعبادة وحده وطارة يذكر أحدهما منفردا عن الآخر فيجتمعان في المعنى كما في قول الملكين للميت في القبر من ربك ومعناه من إلهك وخالقك كما قال وكما في قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وقوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فالربوبية في هذه الآية هي الألوهية donc le chef dit parfois on mentionne الربوبية et الألوهية ensemble donc quand les deux sont mentionnés ensemble alors ils se c'est pas dans la signification. C'est-à-dire, ils ont deux significations différentes. Un et une partie de l'autre. Je vais vous expliquer un peu, vous allez comprendre. Par exemple, Allah SWT a dit, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Donc, dit, je cherche le refuge en le Seigneur des hommes, le roi des hommes, et le Dieu des hommes, celui qui est adoré, elle dit « Ilah al-Nah ». Et donc, il dit dans ce verset, les trois ont été mentionnés, les attributs de l'Uluhiyya et les attributs de l'Ibada, c'est-à-dire l'Uluhiyya. Donc, quand les deux sont mentionnés séparément, ils ont chacun une signification différente. Et donc, ils sont séparés, mais leur signification, ils sont mentionnés ensemble, mais leur signification est différente. Et des fois, c'est le contraire. Ils sont mentionnés un seul d'entre eux, mais ça implique les deux. Et donc, ils donnent des exemples de ça. Par exemple, Allahina Ukhrijou min diyarihim bighayri haqqin. Ukhrijou min diyarihim bighayri haqqin. Illa an yakunu rabbuna Allah. Donc, quand ils disent par exemple, ils ont dit, Allah il dit dans cette ayat, dans le surat al-Hajj, le verset 40, ceux qui ont été expulsés de leur maison injustement parce qu'ils ont dit notre Dieu et notre Seigneur, Rabbuna, notre Seigneur et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le chef dit, dans ce verset, Allah a seulement utilisé le terme Rabbuna Allah ou Rabb. C'est-à-dire, il y a une Aroubouya. Mais il dit que ça implique en même temps Al-Uluhiyya. Lorsque Aroubouya seulement est utilisé, ça implique en même temps Aroubouya. Donc, c'est ça le sens. Dans les deux sens qui sont ensemble dans le verset, ils ont tous une signification différente. Mais quand un seul des termes est utilisé, il implique les deux. C'est un petit exemple. Pourquoi le chef il mentionne ça en fait? C'est parce que il y a parmi des gens de Bid'a qui ont essayé de nier cette division du Tawhid en trois catégories ou en deux catégories. Ils ont essayé de faire penser que c'était une invention de certains des savants de l'islam. Alors qu'en réalité, cette notion du Tawhid al-Arububiyya ou al-Uluhiyya ou al-Asma'ul-Sifat, elle existe dans le Coran lui-même et dans la Sunna. C'est pas une invention de certains savants de l'islam comme Ibn Taymiyyah ou d'autres comme certains se prétendent. Hein? Et donc le chef il mentionne ça, c'est pour ça qu'on sent justement que même si parfois Allah utilise seulement Ar-Rububiyya dans certains versets ça ne veut pas dire que ça n'implique pas Al-Bunidiyya en même temps. Okay. Et donc il passe à ce et après il dit « وَالَّذِي بَعَدْ إِلَيْهِ الرَّسُلْ مِمَا النَّوْعَيْنِ هُوَ تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ وَإِنَّ تَوْحِيدَ الْرُّبِيَّةِ يُقِرُّ بِهِ جُمْهُورُ الْأُمَمْ وَلَمْ يُنْكِرُهُ إِلَّا شَوَاذٌ مِنَ الْخَلِيفَةِ انْكَرُوهُ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ وَالْإِقْرَارُ بِهِ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي فَقَدْ أَقَرَّ بِهِ إِبْلِيسُ قَالَ رَبِّي بِمَا أَغْوَيْتَنِي Donc le chef il dit, tous les messagers ont appelé à ces deux formes de tawhid, à l'ouboubiya et à l'ouloubiya. Mais, tawhid et l'ouboubiya, tous les peuples de la terre ont déjà affirmé et y ont déjà cru. Donc les prophètes se concentraient surtout sur tawhid et l'ouloubiya, le tawhid de l'adoration. Parce que c'était celui-là que les peuples rejetait et refusait d'accepter. Tandis que Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans la souveraineté d'Allah, par lui-même, si quelqu'un y croit, sans croire à Al-Uluhiyya, ça ne lui suffit pas pour être un croyant. Et il dit même Iblis, le shaytan, il croit au Tawhid al-Rububiyya. Il croit que Allah, c'est le Seigneur de l'univers. Et il cite un verset dans lequel Iblis dit « Mon Seigneur, comme tu m'as égaré. » Donc, si il appelle Allah subhanahu wa ta'ala le Seigneur, son Seigneur, donc ça veut dire qu'il reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé le monde et qui contrôle l'univers et qui est le maître de tout. Donc, le fait qu'Iblis dit « Rabbi », est-ce que ça veut dire qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ça veut dire qu'il a reconnu que, et donc, on peut dire qu'il est mu'min d'Allah? Jamais. Donc, on sait que il y a d'autres choses qui doivent être respectées pour dire que quelqu'un est un wahid ou un mu'min billah. Hein? Donc il a dit, oui, je crois que Allah est le créateur, il sait que Allah est le créateur et qui a créé et qui contrôle l'univers, qui contrôle toutes choses, sauf qu'il a refusé de l'adorer. Et lorsqu'il a refusé justement cette adoration, il est sorti de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas suffisant de croire en tawhid al-rububiyya. Et après le cheikh il dit « وَأَقَرَّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ بُعِثَ فِيهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كما دلت على ذلك الآيات البينات كما قال تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ من الزلالات فسان بالصفة صلى الله عليه وسلم ils avaient accepté et ils avaient cru que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé les cieux et la terre. Ils croyaient en ça. Parce que Allah dit dans le Coran que si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont répondre Allah. Donc, leur chef n'était pas seulement de dire, par exemple, il y a un autre Dieu ou les idoles qu'on adore ont un contrôle sur l'univers. C'était pas ça, leur chef seulement. Parce qu'ils croyaient que Allah subhanahu wa ta'ala était le maître de toutes choses, sauf qu'ils ne comprenaient pas le lien qu'il y a entre Ar-Rububiyya ou Al-Uluhiyya. Si tu crois en Ar-Rububiyya, tu dois quitter l'adoration d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois affirmer Al-Uluhiyya. Et le chef dit, « فَمَنْ أَقَرَّ بِتَوْحِيدَ الْرُبُوبِيَّ فَقَدْ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا ولم يحرم دمه ولا ماله حتى يقر بتوحيد الالوهيه فلا يعبد الا الله نفس الشيخ الذي celui qui a affirmé sa croyance en l'unicité de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa création uniquement, il n'est pas musulman. Et son sang et ses biens ne sont pas sacrés. Et pas jusqu'à ce qu'il accepte d'affirmer sa foi en Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire qu'il accepte de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'adorer uniquement Allah. Après le chef il dit, وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ مَا يَزْعَمُهُ عُلَمَاءُ الْكَلَامِ وَالصُّوفِيَّةِ أَنَّ التَّوْحِيدَ الْمَطْلُوبَ مِنَ الْعِبَادِ هُوَ الْإِقْرَارُ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْمُدَبِّرُ وَمَنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ صَارَ عِنْدَهُ مُسْلِمًا ولهذا يعرفون التوحيد في الكتب التي ألفوها في العقائد بما ينطبق على توحيد الربوبية فقط، حيث يقولون مثلا التوحيد هو الإقرار بوجود الله وأنه الخالق الرازق إلى آخره، ثم يريدون أدلة التوحيد الربوبية. Donc le chef dit, quand on a compris ce point qu'on vient d'expliquer, on voit clairement que ce que pensent les soi-disant théologiens du Kalam et les soufis, que le tawhid que Allah nous demande d'accepter et d'affirmer, c'est seulement de croire que Allah est le créateur du monde, et qu'une fois que tu as dit Allah est le créateur, ça y est, tu es un croyant, il dit ça, c'est tout à fait faux. Il dit, si on regarde dans leurs livres qu'ils ont écrit sur le tawhid à propos de la croyance, on voit qu'en réalité, tout ce qu'ils affirment, c'est le tawhid à l'oubliya seulement. Et ils croient par exemple que celui qui a affirmé que Dieu existe et qu'il a créé le monde et qu'il est dans la subsistance au monde, c'est suffisant pour qu'il soit musulman. Même s'ils vont au tombe demander aux gens qui sont morts et aux awliya, et à tous les autres, il y a fulan, il y a urid an atazawwaj, urid ar-rizq, urid zawjati marida, ou walad marid, ishfi, ou donne-moi la subsistance, je veux une femme, je veux une épouse, ou bien la femme dit, je veux un bon mari, donne-moi un bon mari. Elle demande ça à qui? À la personne qui est enterrée dans la terre, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant elle dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, elle croit que Dieu est le créateur de l'univers et elle croit que les deux sont compatibles. On peut adorer, on peut demander à un mort en même temps et croire que Dieu est le créateur de toutes choses. Et ça c'est une contradiction, et ça vient de la mauvaise compréhension que les musulmans ont de la réalité du tawhid. أقول الشيخ الزي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا تفصيل له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلائل التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى جعلوا معنى الألوهية القدرة على الاختراع. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. دفنش المرسل إن تعالى الشيخ الإسلام ابن تيمية أسو السجلة بكثكم بيض إكسليكيز. Et puis donc, étant donné qu'il y a dans son explication des termes un peu plus compliqués, je vais juste résumer l'idée de ce que le chef explique en fait. C'est que, qu'est-ce qu'il dit, c'est que, qu'est-ce que ces gens par exemple ont compris du tawhid, c'est qu'il suffit de dire que Dieu a créé le monde, et ça y est, tu es un musulman. Même si, par exemple, tu dis que tu peux adorer des saints ou autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le chef qu'est-ce qu'il dit, et il croit que de croire au tawhid al-uluhiyya, de croire que au tawhid de l'adoration, ça signifie de dire que Dieu c'est celui qui est capable de créer. Et que si tu dis que Dieu est capable de créer seulement, donc ça y est, tu peux adorer qu'est-ce que tu veux en dehors d'Allah parmi les saints et al-awliya ou al-asiyad, etc. وهذا كلام الشيخ رحمه الله، وهو واضح في الرد على من اعتقد أن التوحيد المطلوب من الخلق هو الإقرار بتوحيد الربوبية، ويؤيد هذا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالرسل لم يقولوا لأممهم أقروا أن الله هو الخالق لأنهم مكرون بهذا وإنما قالوا لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم donc on va s'arrêter ici inshallah. Le père va faire l'adhan et puis on continue inshallah la semaine prochaine. Assalamu alaikum. Shalom. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.